Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un très beau film avec Kate Winslet. Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance d'Anna, une femme de 35 ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison secrète et passionnelle. Et si vous commenciez par être honnête avec moi ? Jamais je ne l'ai révélé. Vous devriez peut-être. Quand j'étais adolescent, j'ai eu une liaison. Elle aimait que je lui fasse la lecture. Tu ne me parles jamais de ce que tu étudies. On étudie une pièce. Tu veux la lire ? Je préfère t'entendre. Chante-moi les exploits, ô muse de l'homme, ô mille et une ruses qui erra sur les mers jour après jour. À la fin de l'été, c'était terminé. Je peux pas vivre sans toi. Je pourrais mourir à cette seule pensée. Tu m'aimes ? Excusez-moi, je voudrais voir Anna Schmitz. Schmitz est partie. Partie ? Est-ce qu'elle a dit où elle allait ? Nazi ! Je m'appelle Anna Schmitz. Vous vous êtes engagée chez les SS en 1943 ? Et recherchez des gardiennes. Les sociétés croient fonctionner grâce à ce qu'on nomme les valeurs morales, mais c'est faux. Est-ce qu'elle a eu connaissance de l'effet qu'elle a produit sur votre vie ? Ce n'était rien par rapport à ce qu'elle a pu faire à d'autres. The Reader, un film de Stephen Daldry avec Ralph Fiennes et Kate Winslet, un DVD M6 Video.